Dans son éditorial en date du 13 mars, le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple a critiqué Park Geun-hye qui n'a point repenti pour sa conduite criminelle jusqu'au moment de son départ de la Maison Bleue à la suite de sa destitution de la présidence. Il a revendiqué de ne point tolérer les comportements de la criminelle qui suscite la violence et les troubles et qui s'oppose à la loi. D'autre part, la solidarité des citadins pour une société démocratique sud-coréenne a demandé le 10 de procéder à l'enquête stricte et de punir Park Geun-hye destitué et les autres complices de l'abus du pouvoir d'État et de la collusion politico-économique en affirmant que la chute de Park Geun-hye n'est jamais la fin, mais le commencement.